بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى donc inshallah on va procéder à la révision du cours donc la semaine dernière ou le lundi dernier on a pu voir ce qui restait de la sutra les jugements qui restaient de la sutra c'est-à-dire la hauteur de la sutra quelle est la hauteur que doit avoir la sutra qui se rappelle hauteur d'une selle. Et la selle, elle a été évaluée à quelle à une coudée. Donc comme on a pu le voir à travers le texte, il y a une prophétie que cette hauteur ou cette mesure-là, c'est une mesure qui est approximative. Un empan ou deux, c'est approximatif. Le fait que toutes ces personnes-là ont évalué par un empan, ont évalué par une coudée, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit semblable à la hauteur d'une selle, c'est une chose qui nous prouve que la sutra, c'est une chose, yani, où sa hauteur est une chose qui est approximative, et non pas une exactitude. Quant à la largeur de la sutra, quelle est la largeur de la sutra? Peu importe, c'est pas précis. Mais on avait, si vous vous rappelez, la date visible, elle se tient sur le monde. Car le but de la sutra, c'est qu'elle se voie. Donc, comme l'a répondu, Om Suma, qu'elle soit visible et tenir sur elle-même. Ça, c'est les deux conditions, c'est les deux normes qui doivent être respectées quant à la largeur de la sutra. Est-il permis au Moussalli, lorsqu'il se s'oriente dans la sutra, de se décaler à droite ou à gauche de la sutra? Est-il possible de faire ça? Est-il préférable, comme l'ont dit certains ulama? Non. Tout cela n'est pas légiféré. Il doit se mettre en face. Quelle est la preuve qui prouve ceci? Le hadith d'Aïcha, dans lequel, qui peut nous rappeler le contenu de ce hadith, ne sera-ce que le sens même. Le Nabi a prié, il s'est mis au milieu du lit. Au milieu du lit. Wakadalka hadith Abi Sa'id, si vous vous rappelez, dans lequel Nabi a dit Ida salla ahadukum la shay'in yasturuhu. Faqala al-ulama yasturuhu huna. Il ne peut s'appliquer qu'à une chose qui te couvre et qui s'interpose entre toi et la Qibla. Donc le fait que tu te mettes à gauche ou que tu te mettes à droite, ça ne peut pas être en conformité avec le texte qui nous dit que la sutra doit être une chose qui nous couvre, qui s'interpose. Donc le fait que ça s'interpose, ça implique que la sutra est en face de toi. Mais le hadith d'Aïcha, il est beaucoup plus clair par rapport à ça. Car Nabi Sussam s'est mis en face, ou plutôt au milieu. Et même le hadith et Ayani, qui ont été évoqués quant au fait de se mettre à droite ou à gauche, comme l'a dit l'imam al-Albani, ils sont pas authentiques. Est-il possible de prier en mettant comme sutra un bâton, ou bien autre, une lance? Pourquoi? Comme on a pu le voir, à partir du moment où la personne a connu les normes de la sutra, et quant à la hauteur et la largeur, sont suffisantes. Car si à partir du moment où la sutra, comme on a pu le voir, est une coudée en hauteur et qu'elle est visible, elle tient debout. Quant à la largeur, c'est bon pour être une sutra. Donc le bâton est autre, mais comme on a pu le voir, les hadiths ils sont venus comme hadith Bilal. Hadith Abi Juhayfa. Parce qu'il a vu Bilal planter un bâton, ensuite le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam est sorti pour prier ou présider la prière en commun et il a prié vers ce bâton-là. Et l'ustuwana kadalika, ni les piliers kadalika, il y a un hadith qui est venu par rapport à ça. Qui se rappelle du hadith qui a été évoqué quant au fait ou qu'il est possible de prier vers un poteau, un pilier et autre? On a vu, c'est Salama ibn al-Aqwa, qui avait pour habitude de prendre le poteau qui était à côté du mushaf dans le masjid al-Nabawi. Il lui a été dit, mais pour cela, pourquoi prends-tu l'habitude de prier vers ce poteau? Il dit, j'ai vu le prophète sallam faire de la sorte. Et est-ce qu'il est possible de prier que la personne a pris vers son épouse ou qu'elle prenne son épouse comme sutra? Est-il possible de faire ça? Non. Tout à fait possible. Non. Il est possible. Qu'est-ce qui le prouve? Hadith Aïcha. Comme on peut voir, Hadith Ibn Aïcha. Mais ce soir, il l'a fait. Elle était sous la couverture et allongée sur le lit. Donc, on revient. Est-il possible de prier derrière la monture? On m'a dit, tout suit. Pourquoi Cheikh Al-Albani, il nous dit, وإلى الدابة ولو كانت جملا Il est possible de prier, qu'il prie vers une monture, même si jamais celle-ci est un chameau. Pourquoi il a évoqué le chameau bien particulièrement? Il n'a pas dit un cheval, il n'a pas dit un âne ou bien et autre. Non, pour ne pas confondre avec le fait de prier dans l'enclos du chameau. Car il n'est pas censé prier vers un enclos. Non. Pour ne pas confondre avec les enclos. Non. Car il faut faire l'analogie avec l'enclos. Non. Au chameau. Non. Arsantum kulukum. Afin que y a pas, ça ne prête pas confusion. Ça ne prête pas confusion à la personne à qui est parvenu le hadith dans lequel Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam interdit de prier dans les enclos de chameaux. Il peut se dire, donc, le fait de prier ou prendre comme soutra d'un chameau, ça peut rentrer aussi dans l'interdiction. Non. Ceci est une interdiction, ou bien ceci est un sujet, et le fait de prier ou prendre comme soutra d'un chameau, c'est une autre chose. Et comme on a pu le voir, il y a le fait que maintenant la personne a voyage avec son chameau, et ensuite il s'arrête sur la route, et son chameau se repose et sur cet endroit bien précis, ça ne fait pas de cet endroit où s'est reposé le chameau un enclos. Donc il peut prier. Kabalke peut prier dans cet endroit-là. Est-il possible de prendre les cimetières comme sutra? Non, il n'est pas possible. Car le prophète sallam l'a interdit. Qal le nabi sallam, la tusallu ila al-kubur, wa la tajlisu alayha. Ne priez pas vers les tombes et ne vous asseyez pas sur les tombes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا تصلي فوق القبور هذا هو يعني بالنسبه لصلاه الجنازه comment يعني on peut dire qu'il est pas possible de prier vers ou prendre comme sutra une tombe alors que le nabi صلى الله عليه وسلم il a déjà prié une janaza dans les cimetières? C'est un problème ça, non? نعم la tombe est entre lui et la sutra, c'est pas la tombe qui est prise comme sutra. Mais la tombe, elle est entre lui et la sutra. Si, pas eu le temps de faire. Non, non, attention, c'était un petit piège. Au fait, lorsque Nabi Sassam a prié une janaza fait le maqbara, dans le cimetière, il n'a pas pris la tombe comme sutra, mais il l'a mis entre lui et sa sutra. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a le hajj, il y a le janaza. Amma fi ghayr al-janaza, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas prier dans les tombes. Il y a à côté des cimetières. Car cela, ça peut être une porte ouverte au shirk, car la personne va devoir prier, ou va voir la personne prier vers les tombes, elle va se dire, bah, celui-là, il est connu pour être impliqué dans son dîn, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui est vertueux, donc le fait qu'il prie, il va prendre, il y a des actes, comme une da'wa, comme on a pu le voir hier, avec l'imam Cheikh Tabi, dans sa parole, il dit, « Al-da'watu bil-af'al, abler min al-da'wati bil-aqwal. » Le fait de faire une chose, c'est une prêche qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus d'impact que la parole. Est-il possible de passer devant entre la sutra du Moussalli? Est-il possible de faire ça? Même les gens à Mecca, lorsque tu mets une sutra, ils disent on est à Mecca, on n'a pas besoin, ils passent entre toi et ta sutra, on est à Mecca. Est-il possible de faire ça à Mecca? Non, c'est une obligation qui est complète. C'est une obligation. Le prophète de l'Ottawa n'a pas rendu Mecca parce que c'est normal. Le hadith, c'est Yannick qui nous dit si jamais il était préférable pour toi de rester 40 secondes, il est général. Que ce soit Mecca, Al-Medina, Al-Quds, Damad, en France, n'importe quel endroit. Donc c'est général. Il est interdit à la personne de faire ça. Si elle fait cela, c'est certes Yannick identifié au shayatin et à la commis un péché. Est-il préférable à la personne lorsqu'elle prie et elle voit une personne qui veut passer entre lui et sa sutra, est-il préférable pour lui de la repousser? Est-il possible pour lui de le repousser? Ou bien est-il impératif de le repousser? Ou bien interdit de le repousser? C'est obligatoire. Dalil, mais dalil, elle doit la combattre. Il est obligé. Le dalil, vous rappelez-vous du dalil? La preuve, Allahu a'lam, hada nisf al-jawab, baqi 'alayk nisfuhu. Le fait que tu dises Allahu a'lam, c'est la moitié de la réponse. Qalu sallallahu alayhi wa sallam, la tada' ahadan yamur bayna yadayk. Ne laisse aucune personne. Qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, la tusalli illa ila sutratin wa la tada' ahadan yamur bayna yadayk. Prie vers un sutra et ne laisse personne passer entre toi et ta sutra. Comme on a pu le voir dans le hadith qui qui indique l'obligation de la sutra. On a pu voir que dans ce hadith-là, Kazalika, il y avait une obligation, un jugement autre qui était le fait de ne pas laisser la personne passer entre toi et ta sutra. Certains ulama, ils ont dit, si jamais la personne ne met pas une sutra devant lui, tu as le droit de passer devant lui. C'est-à-dire, tu as le droit de passer dans la distance qui est entre lui et sa sutra si jamais il l'avait mis. C'est-à-dire, trois coudées s'il est debout et une coudée s'il est en prosternation. Est-ce que ceci est sahih? Non. Quoi qu'il en soit. Si jamais il n'a pas mis la sutra, c'est un péché pour lui. C'est un péché qu'il a commis. Mais ça ne fait pas de toi que tu peux passer entre lui et la sutra à partir du moment où tu es rentré dans la distance yani, qui est légiférée pour poser la sutra. C'est-à-dire trois coudées s'il est debout et une coudée s'il est en prosternation. C'est-à-dire que si tu passes dans cette distance-là, tu as certes commis un péché, même si jamais la personne n'a pas mis une sutra. Mais qu'est-ce qu'il en est? Quel est le jugement quant au fait de passer au-delà de cette distance et sans que la personne ait mis une sutra? Il n'a pas mis une sutra et toi tu passes à une distance qui est au-dessus de trois coudées ou une coudée. Est-il possible de faire ça? Non, c'est possible. Parce qu'à partir du moment où tu as dépassé cette distance-là, c'est comme si jamais tu étais passé derrière la sutra, si jamais il l'avait mis. Donc il n'y a pas de problème. Parce que certaines personnes, tu vois dans les messages, tu vois comme c'est le cas maintenant au Yémen et autres, ils ont une habitude de ne pas prier avec une sutra. Et la personne, il est sunni, il se met en tête le hadith qui dit qu'il est impossible de passer entre le musalli et la sutra. Donc il passe derrière lui, alors qu'il y a une distance entre lui et la personne qui est peut-être de 5 mètres. Il pense que cette distance-là de 5 mètres, elle l'empêche de pouvoir passer entre lui et la sutra. Le fait qu'il passe yani, dans cette distance-là, ça fait que il lui a coupé la salat. Non, 5 mètres, c'est une grande distance. Yani, à partir du moment où tu as dépassé les 3 coudées ou une coudée si c'est en prostération, il n'y a pas de problème. Quant au fait de repousser, on a pu voir que les savants, ils ont apporté un ijma' dans la manière de repousser la personne. Dans la manière de repousser la personne, on a dit, si jamais elle vient, elle le pousse. Si jamais elle s'efforce de vouloir passer, il la repousse d'une manière un peu plus brusque, afin qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit de passer. Mais ils ont dit, si vous vous rappelez, est-ce qu'il est possible pour cela d'ouvrir une bagarre avec la personne qui est en face de toi? Non, sans être violent, sans taper, car le Prophète a dit, la tadrib al muslimin, ne tapez pas les musulmans. Donc, dans le fait, dans le texte qui est dit, qu'il le combatte, c'est pour dire que vraiment il ne le laisse pas passer. Il ne se laisse pas faire. Celui qui combat, il ne se laisse pas faire. Donc, kadalika anta, tu ne te laisses pas faire, c'est-à-dire sans faire des mouvements qui te qualifieront d'une personne qui n'est plus en salat. Car, comme on va le voir, Inch'Allah, être khushu', c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, le fait qu'il fasse des harakat, des mouvements qui font qu'on le qualifie d'une personne qui n'est plus en prière, on ne peut plus dire que cette personne-là est en train de prier, mais elle est en train de se battre. Donc sa prière, il y en a par ces mouvements-là, même s'il a voulu l'empêcher, il verra son acte annulé, car on ne peut plus qualifier ses actes il y en a comme étant un acte de prière. Et si jamais la personne, Masalan, elle a repoussé d'une manière qui est tout à fait légiférée, qui ne font pas de lui qu'on le qualifie qu'il est sorti de la salle, et cela aboutit à ce que la personne trébuche pour ensuite y en a taper sa tête au sol et mourir. Est-ce que la loi du talion lui sera appliquée, c'est-à-dire que on lui demandera le prix du sang? Non. Car Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Et ne tuez pas l'âme dont Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, excepté si cela est légiféré. Donc là c'est légiféré dans le sens où t'as pas eu l'intention de le tuer, mais tu l'as repoussé. Donc ton acte est il ne fait pas de toi n'arme, car toi, tu as accompli un acte d'Allah Azzawajal. Et tu n'as pas voulu qu'à Dalika le tuer. Quel est le jugement qu'on te fait de se rapprocher d'un ou deux pas de sa sutra? Donc, on a tous dit, il est possible de le faire. Quel est le dalil qui est évoqué à ce sujet-là? Hadith avec le mouton. Dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est empressé de se plaquer contre le mur afin que le mouton passe derrière lui. Donc ceci nous prouve que c'est une manière qui est légiférée quant au fait de pouvoir ou bien d'empêcher la personne de passer entre toi et ta sutra. Tu as le moyen de le repousser avec ta main ou bien de t'approcher de la sutra si vraiment tu n'as pas la capacité de pouvoir le repousser comme c'est le cas avec le mouton, avec ta main. Ou bien toute personne yani, qui sont dans le même cas du mouton, c'est-à-dire les personnes que tu ne peux pas repousser. les personnes que tu ne peux pas repousser. Comme c'est le cas, mathalan, d'une personne qui est vraiment déterminée à passer entre toi et ta sutra, comme c'est le cas, dans certains cas, et qui est vraiment gagnée d'une corpulence qui fait que si jamais tu mets ta main, tu vas être amené soit à sortir de la qibla, ou soit à faire des gestuels qui font de toi que tu n'es plus en train de prier. Donc, dans ce cas-là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'avance, elle se plaque contre le mur afin qu'il ne passe pas. Comme l'a fait le professeur Salam, il fait comme si jamais c'était un mouton. Quelles sont les choses qui annulent la prière ? Si jamais elle passe entre toi et la sutra. La fille pubère, le chien noir, ok, la l'âne. Donc, trois. Une femme étrangère. Non, c'est pas une femme étrangère. C'est une femme qui est pubère. Femme pubère. Même si elle n'est pas étrangère. Mathalan, ta femme, qui est pubère, si elle passe entre toi et ta sutra, même si c'est ta femme, ta prière l'annule. C'est pas la femme étrangère, la femme qui est pubère. Celle qui atteint l'âge de puberté. Non, non, un chien noir et un âne. Quant à la femme, comme on a dit, yani, parce que Nabi Sallam dit El Mar'a. Donc El Mar'a, yani, on comprend par cela que ce n'est pas la petite fille. Donc comment on fait la différence entre la fille et la personne qui est qualifiée comme être femme, c'est celle qui atteint l'âge de puberté, comme on dit El Ulama. Comme on dit El Ulama. Donc la fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, si elle passe entre toi et ta sutara, et dans un moment d'inadvertance, yani, tu n'as pas fait attention, tu étais inattentif. C'est pas une chose qui fait que ta prière elle est annulée. Elle n'est pas annulée. Mais si jamais tu avais la possibilité de la repousser et que tu ne l'as pas fait, ta prière peut-être elle sera au niveau du ajr. Elle sera moindre, mais elle ne sera pas annulée. Naram, kadhalika, le fait, mathalan, si jamais tu prends quelqu'un parmi tes maharim, une sœur, ta sœur, ou bien ta femme et la khiriri, tu la prends comme sutra. Et elle est à la monstrueux. Tu la prends comme sutra. Est-ce que le fait que tu la prends comme sutra et à la monstrueux, ça annule la prière ou pas? Yanni, tu la prends comme sutra, elle n'est pas passée entre toi et la sutra. Est-ce que ça annule la prière? Non, ça annule pas la prière. Parce que la mas'ala, elle est reliée au fait que la personne passe entre toi et la sutra. Donc, à partir du moment où elle ne passe pas entre toi et ta sutra, même si jamais elle a monstrueux, ça ne fait pas de ta prière qu'elle a annulée. Tu as tout à fait le droit de le faire. Donc, Inch'Allah, notre fille dans ce jour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala rahimahullahu ta'ala, an-niyya. Yani, ma hukm an-niyya. Quel est le jugement de l'intention de la prière? Qabla an nabda, Inch'Allah, wa nadkhul fi ma qala al-Sheikh, rahimahullahu ta'ala. Il incombe de savoir que an-niyya, yani, la bud an takuna lillah azza wa jalla. Celui qui intentionne son œuvre de prier, il faut que son acte, son intention, elle soit vouée à Allah Azzawajal exclusivement. Et à personne d'autre qu'Allah Azzawajal. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Et il ne leur a été cependant ordonné qu'adorer Allah Azzawajal en lui vouant un culte exclusif. En lui vouant un culte exclusif. C'est-à-dire rechercher à travers tout acte yani, d'adoration, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer exclusivement l'adoration, c'était un ordre qui est primordial dans l'islam. Wa salah, c'est une ibada, min al-ibada. As-salah, kadhalika, elle doit être vouée par Allah azza wa jal, sincèrement sans lui associer. Car c'est une ibada parmi les ibadas. Donc toute ibada, à partir du moment que cet acte est qualifié comme étant une ibada, elle doit être vouée pour Allah Azza wa Jal. Le Cheikh d'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit que même plus encore la prière, as-salah, yani c'est afdal al-ibada al-badaniya, comme a dit le Cheikh d'Islam. Yani la salah, la prière, est une adoration parmi les adorations qui est même la plus honorable et la meilleure des adorations à laquelle nos membres s'adonnent dans l'adoration. Donc toute ibada doit être vouée pour Allah Azza wa Jal. C'est le même cas pour la prière. Et le dalil, قالوا subhanahu wa ta'ala, yani le dalil qui nous prouve que la prière est une adoration. قالوا subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayr la'allakum tuflihun. Et vous qui croyez, faites le ruku' et faites le sujoud et adorez Allah subhanahu et adorez votre Seigneur et faites le bien. Comment on peut déduire, quant à ce verset, que la prière est une adoration? par le waouh. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا هنا واعبدوا الواو هنا qui est dit dans la langue arabe qui est qualifié comme العاطفة يعني un coordonnant dans la grammaire française une chose qui te permet de lier entre deux choses. L'imam Ibn Abd al-Izz rahimahullah ta'ala nous dit que الواو العاطفة celui qui est utilisé pour lier entre les choses, la coordination, il est employé dans l'arabe pour quatre choses. Il a quatre fonctions dans l'arabe. Et dans ce verset-là, il est employé, pour ce qui est appelé atf ba'd al kul, atf al ba'd al kul, ou al kul al ba'd, al kul al ba'd. C'est-à-dire le fait de lier une partie, la partie d'une chose à sa totalité ou bien l'inverse, c'est-à-dire de lier la totalité d'une chose à l'un de ses composants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa'budu rabbakum » après qu'il ait dit « Warga'u wasjudu » et ceci nous prouve qu'il y a une coordonnance et un lien entre les deux. Et le lien qui est entre les deux, c'est qu'il a été lié, la totalité qui est l'ibada, à un élément qui fait partie de l'ibada qui est « Al-rugu'u sujud » Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lie entre la totalité de l'ibada et un élément de l'ibada qui est le sujoud al-ruku', ceci nous prouve que al-ruku' et sujoud, ils font partie intégrante de l'ibada. Pourquoi? Parce que yani ça a été lié entre les deux par le waw. Arka'u wa wasjudu wa'budu rabbakum. Donc le fait que le waw il a été mis entre les deux, ceci nous prouve que al-ruku' et sujoud, ça fait partie de l'ibada car elles ont été liées par le waw. Elles ont été liées par le waw. Wa kadhalika parmi les choses qui nous prouvent que la prière est une ibada, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كي ندفني سكيل عبادة إنه هو كل ما أحب الله ورضي من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي كل شيء الله سبحانه وتعالى أمره parmi les actes et les paroles qui sont apparentes ou bien dissimulées. Donc يعني la prière c'est une chose qu'Allah سبحانه وتعالى أمره. تمام؟ elle fait partie des actes qui sont apparents. Donc ceci nous prouve quand on peut déduire par la définition dans la langue arabe que la prière fait partie de la ribada. Car la ribada, c'est toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il agrée. Donc à partir du moment qu'on sait que c'est la prière d'une ribada, elle doit être vouée à Allah azawajal, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَاءَ. L'adoration qui n'est pas vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt pour autre que lui, que ce soit de manière partielle ou bien entièrement vouée à Allah qu'Allah Azzawajal, la personne verra tous ses actes d'adoration, que ce soit la prière ou autre, annulée, comme le verset nous le prouve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils auraient associé, leurs œuvres tout entières seront annulées. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et nous t'avons révélé à Mohammed ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé que si tu associes, tes œuvres seront annulées et tu seras parmi les perdants. Dans ces versets, le discours, comme vous pouvez le voir, il est adressé au plus honorable parmi la créature, c'est-à-dire le messager. لَإِنْ أَشْرَكْتَ يَا مُحَمَّدَ يعني الدسكور ليه adressé au prophète صلى الله عليه وسلم. Et dans l'autre verset وَلَوْ أَشْرَكُوا أي المرسلين, c'est-à-dire les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala affirme dans ces versets-là que l'association annule tous les actes d'adoration, et cela même si on laissait à supposer qu'elle émane des prophètes ou autres, c'est-à-dire que l'association a fait pas de différence entre la personne qui a associé, que ce soit un prophète ou autre, il n'y a pas de différence par rapport à cela. Celui qui associe, qu'il soit prophète, messager, qu'il soit un ange, qu'il soit et autre, si on essaie à supposer, car comme c'est ma'rouf, les prophètes et les messagers, ils ne font pas de shirk. Par unanimité des savants, les prophètes et les messagers, ils ne font pas de shirk. Mais si jamais on essaie à les supposer, comme c'est le cas dans la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer la gravité du shirk. que le shirk ne fait pas de différence entre la personne qui est associée à Allah Azzawajal, qui soit proche d'Allah Azzawajal ou qui soit éloigné. Ça ne fait pas de différence, tout cela annule les actes années totales de la personne qui aura associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tel est le jugement de l'association, qu'il soit majeur ou bien qu'il soit mineur. Qu'il soit majeur ou bien mineur. Car il y a une différence par rapport à le shirk qui est majeur, qui est le shirk al-akbar. Il n'y a pas de différence quant à cela. Comme on a pu le voir par rapport au verset. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبْطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et certains de ulama, ils ont divergé quant au fait de la personne qui fait al-riya, fait salah, c'est-à-dire que celui qui, lorsqu'il débute la salah, il avoue Allah Azzawajal. Puis au cours de la prière, sa niya, elle a été permutée, elle a été pervertie, et il se met à faire la prière, les gestuels et les mouvements pour un autre que Allah Azzawajal. Il embellit sa manière de prier pour qu'on dise, Mashallah, le frère, il prie bien. Mashallah, le frère, il a un khushu dans la salah. Mashallah, le frère, il a khiriri. À partir du moment où il a perverti son attention pour ces choses-là, est-ce que cela annule son adoration ou pas? Non, ils ont divergé quant à cela. Et l'avis qui est prépondérant, c'est que son adoration à lui, c'est-à-dire cet acte-là, et non pas toutes les actes, comme c'est le cas pour le shirk qui est l'akbar, le shirk qui est asrar, celui qui, dont l'œuvre il a été voué pour Allah Azzawajal, ensuite il a été voué pour autre qu'Allah, as-sahir, c'est que son acte il est annulé, cette prière-là est annulée, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, وَلَوْ أَشْرَكُوا أَشْرَكُوا لَعَمْ لَحَبْطَ عَنْهُمْ مَكَانُوا يَعْمَلُوا. Mais comme on peut savoir, c'est pas le shirk al-asrar, il annule pas la majorité ou la totalité des œuvres, mais il annule l'œuvre qu'il a fait, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-Qudsi, قال من أشرك معي غيري تركته وشركه. Celui qui m'associe à autre que moi, نعم, verra, je le délaisse ainsi que la chose pour laquelle il a, نعم, il m'associe, c'est-à-dire qui, نعم, le livrera à lui-même, lui et son œuvre pour la personne à qui il aura associé. Donc c'est ma'rouf, il n'y a personne hormis Allah Azzawajal qui récompense les œuvres. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait délaissé, lui, son adoration et la personne pour laquelle il lui a associé, c'est-à-dire qu'il ne trouvera pas la récompense auprès de cette personne-là. Il ne trouvera pas la récompense auprès de cette personne-là. Donc tel est le jugement de l'association majeure. Il annule la majorité ou la totalité des œuvres et la naham al-shirk al-asrar, il annule l'œuvre dans laquelle la personne a fait le shirk. Ça c'est pour la personne qui se sera pas repenti durant son vécu. Celui qui ne se repent pas du shirk asrar ou akbar de son vécu, يعني Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas, comme c'est prouvé par le verset إِنَ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى. Celui qui associe Allah Azza wa Jal, Allah dit certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne qu'on lui associe et pardonne toute chose qui est en dehors de l'association. Donc que ce soit l'association mineure ou majeure, Allah subhanahu wa ta'ala ne la pardonne pas la personne qui rencontrera Allah Azza wa Jal sans avoir auparavant, sans s'être auparavant repenti de cette association, qu'elle soit mineure ou majeure. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk, que ce soit asrar ou akbar, pour la personne qui le rencontrera sans pour avoir auparavant s'être repenti de cette association. Mais celui qui fera le pas pour se repentir vers Allah Azza wa Jal, que ce soit l'association mineure ou majeure, comme l'ayah nous prouve, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne l'intégralité des péchés. Donc, il y en a pour celui qui, avant de mourir, se sera repenti, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Donc, il est important pour nous, ibad Allah, ceci était un rappel, car al-niyya maqamuha fi l'islam azim, le rang de l'intention dans l'islam, c'est une chose qui est très importante. Donc, c'est pour ceci que j'insiste sur le fait, ou bien sur les points et les valeurs de l'intention dans l'islam, afin que ce soit un rappel pour nous, car c'est très important et très dangereux de associer avec Allah Azza wa Jal. Donc il est important pour nous, ibad Allah, de ne pas associer à autre qu'Allah Azza wa Jal, surtout lorsqu'on sait que cette ibadah, c'est le pilier de la religion, comme on a pu le voir, wa umuduha salah, wa umuduhu salah. Et le pilier de la religion, c'est la prière. Et kadhalika, cette ibadah, c'est la plus importante, comme l'a dit Cheikh l'Islam, parmi les ibadat al-badaniya. La salah, c'est l'œuvre la plus importante parmi les adorations à laquelle nos membres s'adonnent. Et kadhalika, il n'incombe pas de faire ça, d'associer Allah Azza wa Jal, surtout dans al-salah, car al-salah, elle est légiférée pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment il peut être concevable que le serviteur associe à Allah subhanahu wa ta'ala un acte qui lui est réservé à Allah azza wa jalla en exclusivité pour un rappel. Donc il ne convient pas de faire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala un rappel pour les autres. Qu'a Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata li dhikri, accomplis ta prière afin de te rappeler de moi. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accomplir la prière pour se rappeler de lui. Car à partir du moment où le cœur il est vacant, il est vide de son rappel, il ne proviendra de cette personne-là, et la personne ne pourra pas, et sera une source de mal. La personne sera une source de mal à partir du moment où son cœur sera vide de l'appel, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rappel, ou le plus grand rappel qu'on peut faire à Allah azza wa jal, se rappeler de lui, c'est en accomplissant la prière. Donc il ne convient pas, lorsqu'on connaît les valeurs de la prière, qu'elle est un rappel pour Allah azza wa jal, et qu'elle est un rappel pour nous, et d'Allah azza wa jal, et qu'elle est la plus grande des adorations, et qu'elle est, barakallahu fikum, le pilier de la religion, d'associer à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans la prière. Donc, adorer Allah azza wa jal, lui vouer un culte exclusif dans la prière ou autre, c'est une attitude qui est impérative à observer dans nos intentions. Et cela car, la niyya, c'est le pilier de toutes les adorations. Le pilier de toute l'adoration dans l'islam, c'est an-niyya. Et il faut savoir que an-niyya, dans l'adoration, elle se résume à faire ou à intentionner trois choses. Comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc, lorsqu'on parle de l'intention, il faut savoir que ceci implique, ou il en découle de cela, de faire trois choses. C'est-à-dire la première, comme on a pu le voir, c'est de n'intentionner autre qu'Allah azza wa jal, de lui vouer et rechercher à travers cet acte que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et non l'agrément d'une autre ou un tel. La deuxième chose qui doit être respectée comme conduite dans l'adoration, dans l'intention, c'est que l'intention, dans l'adoration que tu entreprends, elle soit faite par soumission. Il intentionne dans l'œuvre qu'il fait qu'il soit obéissant et soumis à l'ordre, si il est une obligation, et à la recommandation, si elle est une sunnah. Car celui qui accomplit un œuvre de manière coutumière, parce qu'il a vu, il prie parce que sa mère, elle prie, et elle est sans, pour cela, elle est que son cœur, il est ressenti à travers son cœur que la personne fait cela par soumission d'Allah Azza wa Jal, ou bien parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, et il le fait par coutume. Ceci, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, n'est pas suffisant. Même si jamais ce n'est pas du shirk, c'est une œuvre qui, ou bien plutôt un acte, qui résultera de l'annulation de l'adoration. Car il faut qu'il intentionne le fait qu'il soit obéissant et soumis à l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a adressé lorsqu'il entreprend la prière, ou bien la recommandation lorsqu'elle est une sunnah. Donc ça, c'est une chose qu'il faut, inshallah, se rappeler et ne pas oublier, car le fait de faire une chose, de manière continue ou bien de manière fréquente, elle peut amener peut-être la personne à être insouciant à ce cas-là, c'est-à-dire à intentionner la soumission dans la prière. Ça peut être, peut-être une coutume, il prie par coutume, il prie pas, il est par soumission et obéissance. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, il dit ça, c'est la deuxième chose qui doit être observée dans l'intention. Et la troisième, comme va nous l'évoquer Cheikh, rahimahullah ta'ala, c'est le fait que la personne, lorsqu'elle intentionne de faire une chose, un acte de prière, il doit intentionner le type de prière, ou bien plutôt le type d'adoration qu'il est en train de faire. Si c'est le dhahr, il intentionne le dhahr. Si c'est le asr, il intentionne le asr. Si c'est le fajr, le fajr il akhirih. Donc le fait qu'il intentionne le fajr alors qu'il doit prier le dhahr, ça c'est pas suffisant, et c'est un acte, même si c'est pas un acte d'association, c'est un acte qui va annuler la prière, car il faut que tu différencies par ton intention l'acte que tu es en train d'entreprendre. Donc ça, c'est les trois choses que Cheikh Al-Uthaymin il a évoqué dans Riyad al-Salihin qui doit être observée dans la niyya. La première, qu'elle soit vouée à Allah Azza wa Jal. La deuxième, qu'elle soit fait intentionner, qu'il soit intentionné la soumission et l'obéissance, ou bien l'obéissance si c'est un ordre, ou bien la recommandation si jamais c'est une sunnah. Et le troisième, différencié par l'intention, le type d'adoration que tu veux entreprendre. قال رحمه الله تعالى ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها. Il nous dit Cheikh Al-Uthaymeen رحمه الله تعالى, Cheikh Al-Albani plutôt, il incombe à la personne, où il n'y a pas d'échappatoire à la personne lorsqu'elle prie, qu'il intentionne yani la chose qu'il est en train de faire. Donc لا بد من نية, il faut que la personne elle intentionne ce qu'il est en train de faire. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, les actes selon leur intention, c'est-à-dire elles seront considérées selon les intentions. Si elle est fausse, l'acte yani sera faussé. Et si l'intention elle est fausse, l'acte il sera faussé. Et si jamais l'intention elle est bonne, l'acte il sera agréé à partir du moment où il a été ou à partir du moment qu'il soit conforme, comme c'est la deuxième condition de la ribada, conforme au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال وإنما لكل امرئ ما نوى, et la rétribution sera en fonction de ce que tu auras intentionné. Et celui qui aura intentionné autre qu'Allah Azza wa Jal, il sera récompensé, comme on a pu le voir, par l'annulation de son acte et par an-nar jahannam, si jamais il ne se repent pas avant cela, à partir du moment que c'est un shirk akbar. Et celui kadhalika qui intentionne le asr au lieu du dhahr ne pourra pas être rétribué de la récompense du dhahr, parce qu'il l'a intentionné et l'asr. Car le asr n'est pas le dhahr. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc ceci nous prouve, et la rétribution sera en fonction de ce qu'il aura intentionné. Donc si jamais tu intentionnes le asr alors que c'est le dhahr, tu ne pourras pas avoir la récompense du dhahr, parce que tu as intentionné l'asr. Donc ceci nous prouve, comme c'est l'avis de la majorité des savants, que le serviteur doit différencier par ses intentions l'acte vers lequel ou bien auquel il souhaite accomplir ou entreprendre. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit wa innama likulli imri'in ma nawa. La rétribution sera en fonction de ce qu'il aura intentionné, de ce qu'il aura intentionné. Qala rahimahullahu ta'ala wa ta'yinuha biqalbihi. Il nous dit lorsque la personne veut différencier entre le type d'adoration qu'il veut faire, c'est-à-dire s'il veut prier l'asr ou s'il veut prier le dhuhr ou s'il veut prier le fajr, Comment il doit faire pour cela? Il doit l'intentionner par le cœur. Il nous dit wa ta'yinuha biqalbihi. Il veut dire par là que tu ne différencies pas l'acte d'adoration par ta langue, comme on va le voir inshallah. Qala wa ta'yinuha biqalbihi ka fard adh-dhuhr aw al-'asr aw sunnatihima mathalan. Donc Cheikh Al-Albani nous indique par là que le membre qui doit être employé barakallahu fikum afin de différencier les actes de prière, c'est le cœur et rien d'autre. Ni la langue, ni autre, ni al-kitab, le fait que tu écrives. Cela est unanime auprès des savants de l'islam, que le membre qui doit être employé pour cela, c'est le cœur et non la langue. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, intentionner la purification, at-tayammum, la prière, le siyam, le hajj et autres, parmi les actes d'adoration, ne nécessite pas pour cela qu'elle soit différenciée et intentionnée par la parole. Différencier intentionné par la parole. Et cela par unanimité des savants. Ils sont tous unanimes que le membre qui doit être employé, c'est le cœur et non la langue. Il n'a pas besoin de faire ça par la parole. Il nous dit la place de l'intention est dans le cœur et non sur la langue. La place de l'intention, c'est sur le cœur et non sur la langue. Donc ceci nous prouve que, et ou appuie l'avis de la majorité des savants, ou plutôt de l'unanimité des savants, que l'intention, elle est dans le cœur et non pas sur la langue. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle veut différencier entre le dhahr et le asr, c'est-à-dire lorsqu'elle veut prier l'asr, il ne dit pas je vais prier l'asr tout en parlant. Non. Il suffit qu'il intentionne dans son cœur, il suffit qu'il se dirige vers la prière tout en sachant qu'il va faire l'asr, ça suffit pour cela. Barakallahu fikum, qu'il est différencié et il n'a pas besoin de prononcer. Cheikh, rahimahullah ta'ala, dit aw sunnatihima mathalan, yani il nous dit la sunna du dhahr l'asr, c'est-à-dire lorsque tu veux différencier la sunna du dhahr l'asr, tu emploies pour cela le membre qui est le cœur et non la langue. Sunna du dhahr c'est ma'roufa, yani elle est de 4 rak'a qabla dhahr et de 2 rak'a qui sont après dhahr, comme cela a été authentifié par le hadith de Aïcha, dans lequel qalat kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi bayti qabla dhahr arba'an thumma yakhruj wa yusalli bin nas ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين رواه مسلم. Donc elle nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prier avant la prière du dhahr 4 rak'a. dans ma maison et deux rak'ah chez moi après qu'il ait eu accompli la présidence de la prière de Dhahr en commun. Donc ceci nous prouve, comme cela a été rapporté par les musulmans, que sunnat al-Dhahr, c'est deux, quatre rak'ah qabla al-Dhahr et deux rak'ah ba'da al-Dhahr. Et quant à la sunnah du Asr, parce qu'il nous dit ou sunnat, il nous dit Cheikh al-Albani ou sunnatihima. Donc ceci nous laisse entendre que le Asr, il a aussi une sunnah. Le Asr est une sunnah. Et ça, c'est yani, il y a des hadiths qui sont venus. Annabi sallam yani dans ces hadiths-là, il a exhorté à ce qu'on prie 4 rak'ah qabla al-Asr. Et naam, ces hadiths-là, comme l'a évoqué Cheikh Yahya, hafidhahullah ta'ala, ils ne sont pas authentiques. Il nous dit Cheikh Yahya, hafidhahullah ta'ala, la seule sunnah qui est légiférée pour le Asr, c'est que celle qui est priée entre al-adhan wa al-iqama, kama fi hadith Abdullah ibn Mughaffal, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il nous dit naam, bayna kull adhayn salah, entre l'adhan wa al-iqama, il y a deux rak'ah. Ce hadith est muttafaqun alayhi. Donc la sunnah al-Asr, c'est celle qui est entre l'iqama et l'adhan. Et ce n'est pas celle qui est comme l'indique, il y a certains des hadiths qui ne sont pas authentiques, que cela yani qabla al-Asr, yani avant l'Asr. Il n'y a pas de hadith qui authentifie le fait de faire cela. Donc ce n'est pas une sunnah qu'il faut faire. Il faut plutôt la vérifier car ces hadiths-là ne sont pas authentiques. قال رحمه الله تعالى وهو شرط أو ركن. Il nous dit la niya, elle est une condition ou bien un pilier. نعم, l'intention peut être qualifiée comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, شرط أو ركن, une condition ou bien un pilier. Car comme on a pu le voir, la niya précède le fait que tu fasses le takbir. Et on avait dit toute chose qui est entre le takbir et نعم et barakoufikoum et taslim, ça fait partie intégrante de la salah. Et toute chose qui est en dehors de cela ne fait pas partie de la salah. Donc, la chose qui annule ta prière, si jamais tu ne la fais pas, et qui ne fait pas partie intégrante de la prière, comme on a pu le voir, c'est une condition. C'est une condition. Comme c'est le cas pour la niya. Parce que la niya précède le fait que tu fasses le takbir. Et si jamais la personne n'intentionne pas na'am Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prière, ou bien n'intentionne pas le fait qu'ils se soumettent à l'ordre d'Allah Azzawajal, si jamais c'est une obligation ou une recommandation, si c'est une sunnah, et le fait qu'Adalika, qui ne différencie pas l'acte d'adoration vers lequel, ou bien plutôt lequel qu'il va entreprendre, tout cela annule la prière. Donc, on peut juger de la niya qu'elle est une condition. Parce qu'elle annule la prière, si jamais elle n'a pas été observée, et elle ne fait pas partie intégrante de la prière. Elle ne fait pas partie intégrante de la prière. Mais elle peut être considérée comme un pilier à partir du moment où on dit que Naam al-Niyya, c'est le pilier de l'islam, ou le pilier de toute adoration. Car le Messie nous dit innama al-a'malu bin-niyyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les œuvres sont selon leur intention, et la personne sera rétribuée en fonction de ce qu'il aura intentionné. Donc ceci nous prouve que la budda min-niyya dans toute l'a'mal, comme qu'a Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lad-din, wa qala jalla wa ala ala lillahi ad-din al-khalis. Donc ceci nous prouve, on peut dire que An-Niyya, c'est le pilier de tout acte d'adoration. Donc la Niyya, c'est le neuvième et la dernière condition qu'on a pu voir parmi les conditions de la prière. Qui peut nous rappeler les huit conditions précédentes? Donc Inch'Allah, là, c'est une faïda pour vous. La prière a la neuf conditions. Al-Islam, ça fait un. Thumma, Al-Aql, deux. La distinction, Al-Tamiz, trois. Al-Qibla, 4. Rafa al-Hadith, 5. Entrer dans la salat, 6. Dukhul al-Waqt, 6. Sitr al-Awra, Izalat al-Najasa, Taharatu al-Abdan wal-Amakin, la propreté des lieux et des corps. Et dans mon cas, qui est al-Niyya. Donc, al-Islam, al-Aql, al-Tamyiz, Dukhul al-Waqt, Sitr al-Awra, al-Tahara, Taharatu al-Abdan wal-Amakin, Istiqbal al-Qibla, wa al-Niyya. Voici les neuf conditions de la prière et il n'y a pas une dixième. قال رحمه الله تعالى وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة. Il nous dit le fait de prononcer la niya par la langue, par la parole, c'est une bid'a qui est contraire à la sunnah. ولم يقل بها أحد من متبعي المقلدين من الأئمة. Il dit personne parmi les personnes qui ont suivi les imams al-arba'a, c'est-à-dire ashab al-madhahib, ceux qui les quatre écoles de jurisprudence, aucune de ces personnes-là qui ont suivi qui s'affilient à ces écoles-là, aucune de ces personnes-là, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, aucune de ces personnes-là disent que la prière, ou plutôt An-Niyya, il faut que tu la prononces. An-Niyya, il faut que tu la prononces. Naam, ceci est une bid'a, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, et cela par unanimité des savants. Comme l'a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il nous dit, celui qui élève à voix haute son intention a commis par cela une bid'a. Il nous dit même, hatta celui qui lève la voix pour intentionner l'œuvre qu'il est en train de faire, il a dit, ça c'est une bid'a, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Celui qui fait ça est un innovateur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons ont fait cela. Donc cet acte-là nous permet de juger de la personne qui a dit mubtadi', comme a dit le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit, quant au fait de la prononcer discrètement, amma celui qui la prononce à voix haute et à voix élevée, comme on a pu le voir, c'est une bid'a. Et la personne, c'est un mubtadi'. Thumma, il nous ramène à notre mas'ala. Une autre mas'ala qui est, quant au fait de la prononcer, discrètement, de façon à ce que toi-même tu entends, ou bien la personne qui soit à côté de toi, il puisse entendre. Yani, il chuchote. Il chuchote, yani, ça, niya. Ceci est un sujet de divergence auprès des savants. Mais l'avis qui est prépondérant et qui ne convient pas de prendre autre que celui-là, c'est que, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est une bid'a. Donc le fait de prononcer l'intention à voix haute ou bien discrètement, dans les deux cas, ceci est une bid'a, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il nous dit, yani, le fait de prononcer discrètement l'intention, yani, est une faiblesse d'esprit et un manquement dans le din. Il nous dit, naqsun fi din wal aql. Il dit, amma fi din, le fait que ce soit un manquement dans le din, parce que c'est une bid'a. Comme a dit le Cheikh l'Islam, ni le prophète et ni ses compagnons l'ont fait. Et le fait que ce soit une faiblesse dans l'esprit, il nous dit, car celui qui intentionne et prononce son intention, même si jamais c'est de manière discrète, il nous dit, il est semblable à la personne qui, lorsqu'elle veut manger, il dit, je souhaite manger. Tu n'as pas besoin, lorsque tu veux manger, tu dis, je souhaite manger. Il dit, ça, c'est une faiblesse d'esprit. Kadhalika, pour la salah, celui qui veut prier, il dit, je veux prier, ou je veux faire la rasa, je vais faire le dhahra. Ça, c'est une faiblesse d'esprit. Il est semblable à la personne qui, lorsqu'il veut manger, il dit, je veux manger, je vais tendre ma main pour prendre une bouchée de pain, ensuite la mettre dans ma bouche pour pouvoir être rassasié. Ça, c'est une faiblesse dans l'esprit ou pas? C'est une faiblesse dans l'esprit. Il dit, donc, yani, il ne convient pas de faire ça. Celui qui fait ça, il est yani, naqis fil aql ou naqis fil din. Il aura un manquement dans sa religion, on pourra le qualifier comme étant faible d'esprit. Naam, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de cela. Et s'il y a des éclaircissements ou questions ou autres, tfaddal. Naam. Et naam. As-Sunnah, qabla l'Asr. Il y a des personnes, certains ulama, ils ont dit que tu peux, comme c'est le cas de Cheikh Al-Albani, comme tu as pu le voir dans l'ouvrage, il nous dit que l'Asr est une Sunnah qui est qabliya, yani avant l'Asr. Il y a un hadith qui a été évoqué par rapport à cela, dans lequel quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a exhorté à ce que les personnes prient yani, deux rak'a ou bien quatre. Là, ce n'est pas avant l'adhan. Il y a un hadith qui vient qui nous dit avant l'Asr. C'est bien avant l'Asr. Parce que l'Asr, à partir du moment que tu fais l'adhan, tu es rentré dans l'Asr. Tu vois? Quand tu commences à la ta prescription, c'est chiant. Quand c'est fait occasionnellement, comment ça? Non. Parce qu'à partir du moment où tu fais l'adhan, il y a Abdurrahman, khalas, t'es rentré dans l'asr. Avant l'adhan, c'est qabla l'asr. C'est pour ça que la personne, مثلا, qui fait مثلا, rak'atayn, ou bien arba rak'at, il fait 4 rak'at avant l'adhan. On ne peut pas dire qu'il a fait la sunnah de dhahr. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré aslan dans le dhahr pour pouvoir. Pour avoir pu faire l'année à son mari. La question, je n'ai pas trop bien compris. Peux-tu être un peu plus précis? Peux-tu être un peu plus précis par rapport à ça? Je n'ai pas trop bien le fait. Tu le fais tout de suite. Et dans la même prière. Mets-moi un exemple comme ça, Inch'Allah, avec l'exemple, on va répondre à la question. Ça va? En attendant que la sœur ait écrit l'exemple. Le hadith qui était venu par rapport à ça, c'est Rahimallah, il m'a salla qabla l'asr, arba'a, rawa Abu Dawud Tirmidhi. Et le hadith thani, an Ali ibn Talib, an Ali, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. Donc le premier hadith il dit miséricorde est faite, que miséricorde soit faite à la personne qui prie 4 rak'a avant le asr. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Cheikh Al-Yahya dit que ce hadith là il est da'if. Cheikh Al-Albani il voit qu'il est sahih, lakin sahih annahu da'if. Et l'autre hadith qui nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il prie avant le asr 2 rak'a. Cheikh Al-Albani kadhalika il voit qu'il est ce hadith là da'if, le fait que tu pries 2 rak'a qabla al-asr. Lui il voit que tu pries 4 rak'a qabla al-asr. Amma al-hadith qui est venu qui nous dit que tu pries 2 rak'a qabla al-asr, il est da'if. Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, il voit qu'il est da'if. Cheikh Yahya, il voit que les deux sont da'if. Que tu pries 2 ou 4 rak'a qabla al-asr, c'est da'if. La seule chose qui était légiférée, comme l'a dit Cheikh Yahya, c'est que tu pries 2 rak'a entre l'adhan et l'iqama. Al-Shirk al-Akbar, à partir du moment où la personne, lorsqu'elle a commencé la prière, elle l'a fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Elle a commencé, je viens faire l'asr, je le fais pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Je recherche par rapport à cela le faire pour autre qu'Allah Azza wa Jal. À partir de ce moment-là, la prière elle est annulée et cette personne-là c'est un mushrik shirk akbar. Parce qu'il a voué autre qu'Allah Azza wa Jal. Walau ashraku la habita anhum ma kan ya'mal. À partir du moment où il fait la prière pour Allah Azza wa Jal, il prie pour Allah. À partir du moment où l'obéissance et la soumission elle est vouée par Allah Azza wa Jal et ensuite il pervertit son intention. Il a perverti, pas en intentionnant l'obéissance et barakallahu fik et kadhalika la soumission pour Allah Azza wa Jal, mais il a embelli sa prière, ça fait shirk yani qui est asrar. Dans cette mas'ala là, il y a un khilaf. Est-ce que l'acte entier il est annulé, ou bien est-ce que la partie pour laquelle il a voué pour Allah Azza wa Jal, elle est pour Allah? Et la partie qu'il a voué pour autre qu'Allah, elle est annulée? Non. Ils ont dit, yani, la salat toute entière, elle est annulée. La salat toute entière est annulée par rapport aux preuves qu'on a pu citer. Une autre sourate que j'ai oublié de vous évoquer, c'est la personne qui prie en obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il fait cela, lorsqu'il prie, il embellit ses actes et ses mouvements pour une autre personne. Son intention pour se soumettre, elle est pour Allah azza wa jal, mais il recherche kadhalika l'agrément et l'éloge auprès de personnes pour qu'on dise Masha'Allah, Allahu barak, cette personne a pris bien. Mais il ne recherche pas lorsqu'il veut l'éloge de ces personnes-là, il ne recherche pas à ce qu'il soit soumis à ces personnes-là. Il est soumis à Allah Azza wa Jal tout en recherchant l'éloge d'autres personnes. Là, il n'y a pas de khilaf par rapport à ça parce qu'il a directement il est rentré dans la prière avec une intention qui est pervertie. Ça, kadhalika, c'est du shirk qui est asrar. Mais il n'y a pas de divergence quant au fait est-ce que son attention, son adoration elle est annulée ou pas. Il n'y a pas de différence par rapport à cela. Son acte il est annulé. Divergence elle est sur le fait lorsqu'il commence une adoration pour Allah Azza wa Jal et ensuite il a perverti pour autre qu'Allah Azza wa Jal, à partir du moment où il recherche la renommée et autres. Là ils ont divergé. Ce qu'on sait faire c'est que kadhalika elle est annulée. Est-ce que ma réponse elle est conforme à ta question ou bien je suis parti dans une chose qui est autre que ta question? Le Cheikh Al-Uthaymeen a dit, si je me souviens bien, que s'il n'est pas content de cette option. Ça, c'est à partir du moment, quand on dit il recherche, c'est-à-dire qu'il agrée le fait qu'il recherche l'ostentation dans cela. Amma Mathalan, si Shaytan vient et ruse avec lui, il veut lui faire croire qu'il est en train de faire cet acte d'adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Là, ça n'a rien à voir, parce que, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres selon les intentions. Si jamais toi, tu as intentionné autre qu'Allah, tu as recherché à embellir pour autre qu'Allah ta prière, khalas, ton œuvre selon l'intention. Taraktuhu wa sharka. Ah, mais si jamais toi, ton intention, elle est toujours pour Allah azza wa jal, et que Shaytan, il vient pour te faire croire que tu es en train d'adorer autre qu'Allah azza wa jal, ça rentre pas dedans, parce que tu n'as pas intentionné à cela. Est-ce que la sunna du dhuhr, 4 rak'a avant, c'est avant l'adhan du dhuhr ou entre l'adhan et l'iqama? Non, c'est entre l'adhan et l'iqama, comme on a pu le voir, parce que, pas la fin, attends, je reviens sur la fin, je réponds à la question de la sœur. Non. Donc la sœur nous dit, est-ce que la sunna du dhuhr, lorsque tu fais 4 rak'a, est-ce que c'est avant l'adhuhr ou bien entre l'adhan et l'iqama? Comme on a dit, c'est entre l'adhan et l'iqama. Car à partir du moment où le mu'adhin il a fait l'adhan, tu es rentré dans l'heure du dhahr. Et avant cela, c'est pas l'heure du dhahr. Donc il y a ces prières là qui sont les 4 rak'ah qabla adh-dhuhr et 2 rak'ah qabla ba'da, ça s'appelle ar-rawatib, yani celles qui sont liées à la prière. C'est-à-dire qu'il faut que aslan tu rentres dans l'heure de prière pour pouvoir faire ces sunnah. Donc c'est 4 rak'ah entre l'adhan et l'iqama et 2 rak'ah après l'accomplissement de la prière. Si j'ai bien compris, si par exemple tu appliques dans ta prière car tes enfants regardent. Non, ça c'est minbab ta'lim. Si jamais tu as l'intention de bien t'appliquer dans la prière afin que. De toute façon, l'insan, inshallah, il faut qu'il s'applique. Il y en a dans sa prière qu'il soit pour l'enseigner ou pas. Que ce soit pour l'enseigner ou pas. Parce qu'il l'a fait pour Allah Azzawajal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus en droit à ce qu'on s'applique dans la prière qu'on le fait à autre. Mais si jamais, mathalan, tu veux apprendre ou bien tu veux enseigner la prière à tes enfants, dans le but qu'ils sachent comment bien faire la prière, tu veux yani, vraiment qu'ils voient comment faire, ben, fichez. Annabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est certes mis yani, sur le minbar, il a intentionné de se mettre sur le minbar afin que les gens sachent comment prier. Faqala Annabi sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez prié, après qu'il soit monté sur le minbar. Taïl d'Araka, avant d'avoir du Asr, ça s'appelle comment? Avant l'Asr, il n'y a pas de rak'ah. Si jamais tu veux dire par là, il y en a entre l'Azan et l'Iqama. Entre l'Azan et l'Iqama, il n'y a pas de. Ça s'appelle à la panne, non? C'est celle que tu fais entre l'Iqama ou l'Azan. C'est comme celle qui est faite entre l'Azan et l'Iqama du Isha. À la panne, non particulièrement. C'est celle qui est faite entre l'Azan et l'Iqama. C'est une nafila, surrogatoire, mais à la panne, non particulièrement. Allah, là, moi, je ne connais pas de nom particulièrement. Celle qui est faite entre l'Azan et l'Iqama. Nafila parmi nawafil. Il faut savoir que nafila, tamqasim la qismain. Nafila, mutlaqa, ou nafila, muqayyada. La nawafil, il se divise en deux. Tu as celles qui sont d'ordre général, que tu fais sans qu'elles soient restreintes ou sans qu'elles soient liées à autre chose. Et nafila, mathalan, al-muqayyada, c'est celles qui ont, barakallahu fikum, des horaires qui sont bien précises. Comme mathalan, sunnat al-fajr. Elle a une heure qui est bien précise. Sunnat al-dhahr, kathalika, sunnat al-maghrib. Celles qui font deux rak'ah après le maghrib, كذلك وسنة العشاء كذلك هذه الأشياء يعني ce sont des heures qui sont bien précises qui s'appellent ar-ratib al-witr كذلك الى une heure bien précise et autre que cela c'est des surrogatoires qui sont générales d'ordre général. Alors si celui qui commet cette transgression dans la salat et s'en rend compte dans sa salat, il le recommence. De toute façon la personne qui intentionne autre qu'Allah Azza wa Jalla, c'est clair et net que yani il est al-ilm. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Sa prière, elle est annulée. Dans tous les cas. Celui qui associe avec Allah, Azza wa Jal, que ce soit Shirk, Asrar ou Akbar, que ce soit au début de la prière ou au cours de la prière, dans tous les cas, sa prière, elle est annulée. Il la recommence. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَابِطَ عَنْهُمْ مَكَانِ يَعْمَلُونَ. Et si jamais ils avaient l'audace d'associer, ou leurs œuvres seront annulées. L'œuvre qu'il est en train de faire sera terminée. La habita anhum makan yamal. Donc, ça, c'est un dalil qui nous prouve que sarih, parce que dans la ayah, il dit wa lau ashraku. Mais c'est ram, que ce soit shirk akbar ou asrar. La habita anhum makan yamal. On va le rétribuer par l'annulation, l'invalidation de ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Donc, prends cette ayah comme qa'ida, comme règle. Toute œuvre qui est vouée à autre qu'Allah, qui soit. Ostentation, qu'il soit Shirk Akbar Asrar, pendant la prière, au cours de la prière, Shirk Al-Asrar Akbar, il annule l'acte d'adoration. Si tu as peur de l'ostentation, tu peux prier seul dans ta chambre, même s'il a des serres. Ça, il dit Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, il nous dit Tarku amal linnas, tarku l'amal linnas, riya. Le fait que tu délaisses une œuvre pour les gens, il dit ça c'est une ostentation. Pourquoi? Parce que le fait que tu délaisses une chose, c'est une œuvre. Et l'œuvre là, tu l'as fait pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est une ostentation. Tu as compris? Al-Fudayl ibn Iyad, si c'est bien lui, il nous dit Tark al-amal linnas riya. Le fait que tu délaisses une œuvre pour les gens, ça rentre dans l'ostentation. Donc en fait, tu veux fuir l'ostentation, mais tu es toujours dans l'ostentation. Tark al-amal linnas riya. Car at-tark, inshallah, comme ça va venir inshallah pour vous dans Kutub al-Usul al-Fiqh, l'œuvre se divise en deux. Le fait que tu fasses une chose et le fait que tu délaisses. Donc le fait que tu délaisses, ça s'appelle une œuvre. Tu as délaissé cette chose pour eux. Le fait que tu l'as fait pour autre qu'Allah Azzawajal, ça te fait, yani, que tu as fait une œuvre pour autre qu'Allah. Donc la personne a fait ijtihad. Yani, hiya tasta'in billah wa la ta'jaz, comme a dit le Messie sallam. Ista'in billah wa la ta'jaz. Prends l'aide auprès d'Allah Azzawajal et ne faiblis pas. Ça, c'est Shaitan qui veut s'amuser avec toi pour qu'ensuite, yani, donc la personne, elle se concentre, elle demande à Allah Azzawajal, elle l'aide et elle combat cette l'ostentation. Elle combat l'ostentation, elle prie. Si tu as peur, tu peux prier seul dans ta chambre, même s'il y a des ça. Donc c'est Hadar al-Jawab. La personne, elle combat l'ostentation. Et elle ne délaisse pas la ramen, l'innas. Ah, mais si jamais tu as peur d'être dérangé, tu as peur d'être, de ne pas avoir le khushur, ça c'est une autre chose. Parce que le khushur, c'est notre mot. Donc l'acte par lequel s'accomplit cette obligation, elle devient kadalika, une chose qui est recommandée. Et le fait que tu prends une autre pièce parce que tu as peur d'être dérangé pendant la prière, de ne pas pouvoir faire ta prière avec humilité, ça c'est une autre chose. Là tu fais une ramel, l'illah azawajal. Non, il est pas obligé. Là, moi je te parle pas, est-ce qu'il est obligé ou pas, n'est obligatoire ou pas de prier pour les femmes. Moi je te parle par rapport à l'œuvre, par rapport à l'intention de la personne lorsqu'elle délaisse cette œuvre pour les gens. Si tu délaisses cette œuvre pour les gens, alors que tu as la possibilité de prier à ce moment-là, avec elle ou pas, ça rentre dans le riyad. Comme l'a dit Foudel Miriad, si mes souvenirs sont bons. Tarq al-amal l'innas, riyad. Wa fi'al al-amal l'innas, riyad. Dans les deux cas. Mais si jamais, مثلا, yani, tu n'as pas envie de prier avec ces personnes-là, non, par peur d'ostentation, tu n'as pas envie de prier avec ces gens-là, c'est tout à fait possible. Tu pries, soit yani, la personne a prié tout seul ou bien en commun. Je veux dire la femme. Tu vois? Jacques Lachère. Si quelqu'un commence sa prière, et juste au moment où il commence, ou juste avant, l'intention se garantit. C'est pas possible. C'est impossible que son intention se pervertisse sans qu'il le veuille. Comme l'a dit Cheikh Al-Athaymi, rahimahullah ta'ala, قال الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Les œuvres selon leur intention. C'est-à-dire que c'est obligé qu'il ait intentionné cela. Et le fait qu'il intentionne, comme il dit, c'est pas un majnoun, c'est pas quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui a tout à fait sa raison. Donc le fait qu'il intentionne une chose, c'est qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il dit c'est pas possible. Il dit ça c'est un dalil que la personne lorsqu'elle fait une chose elle le fait en pleine conscience. Il nous dit c'est pas possible par le fait qu'il le fasse comme le font les possédés. Ça c'est les possédés qui font les choses sans intention. Celui qui est majnou ou celui qui a plus la raison, ils font des choses sans intention. Ah, mais celui qui est doué plutôt qui a toute sa raison, lorsqu'il fait une chose il le fait en état de conscience. Allah ybarak fikoum. C'est bon, Inch'Allah. Il n'y a plus d'autres questions? Il y a une question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'excuse de passer par la soeur en français. Je pense que ça va bien se rappeler sur les conditions du travail. Quel est le chiffre? Naam. Là, il y a un tenvi qui m'a été apporté de la soeur, Omar Abdullah. Que le traducteur là, le traducteur du résumé, il faut faire attention par rapport à cela. C'est pas tout traducteur qui traduit un livre des personnes salafies qui fait que sa traduction sera salafie. Donc il faut faire attention par rapport à cela. Les annotations du traducteur ou les traductions, Inch'Allah, vous les prenez de moi. Si jamais elles sont conformes à la traduction que vous avez, alhamdoulilah. Si elles ne sont pas conformes, Inch'Allah, vous rectifiez. Ou toute chose que vous voyez qui a été. Qui est Naham, aussi vous pouvez m'envoyer Kadalika ce lien. Comme ça me permettrait de voir un peu comment il a traduit. Et faire des tanbi si jamais il a mal traduit. T'as parce que ce n'est pas toute personne qui traduit par le Tawfikum qui a la Sunna. Certaines personnes, Naham le matin. Ceux qui peuvent me passer le matin, envoyez-moi le matin qui est traduit en français. Afin que je m'assure que sa traduction est bonne, ou bien qu'il n'essaie pas de glisser quelques choubouhats avec cette traduction. Car certaines personnes, comme on a pu voir dans Sharh al-Nawawi de Cheikh al-Uthaymeen, celui qui avait traduit, c'était même un takfiri. Il a traduit les textes ou une explication de Cheikh al-Uthaymeen, alaykoum salam wa rahmatullah, il a traduit l'explication de Cheikh al-Uthaymeen avec ses idéologies à lui, pour pervertir les gens d'une manière, il y en est bien caché. Tu crois que c'est l'explication de Cheikh al-Uthaymeen et tu repars avec des choubhas de takfiri. Inch'Allah, sanaktafi bidhalika. On va se contenter de cela. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته